la fosse où mes péchés m'avaient plongé. Et la bouche au front, j'ai crié, ô Seigneur, qui tendrement m'emmène en au jour doré. Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur les rocs. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Oh, il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur les rocs. Jésus, il met un chant dans mon âme, un chant de louange, alléluia. Il m'a placé près de lui sur le rocher, mais pas son ta fait, ni j'y demeurerai. Aucun risque de tomber tant que j'y reste, jusqu'au couronnement, je tiendrai pas sa grâce. Il m'a sorti de la boue. Jésus m'a, il a placé mes pieds sur les rocs. Jésus, il met un chant dans mon âme. Les jours, un chant de louange. Alléluia. Oh, il m'a sorti de la boue. Jésus m'a, il a placé mes pieds sur les rocs. Toujours, il met un chant dans mon âme. Les jours, un chant de louange. Alléluia. Il m'a donné un nouveau chant de louange dont je chanterai les douces notes nuit et jour. Mon cœur débordant, je suis libéré. Je loue mon rédempteur qui m'a sauvé. Où il m'a sorti de la boue. Jésus m'a, il a placé mes pieds sur les rocs pour toujours. Il met un chant dans mon âme. C'est genre un chant de louange. Alléluia. Oh, il m'a sorti de la boue. Dieu de mon âme, il a placé les pieds sur les rocs. Il met un chant dans mon âme. C'est jour un chant de louange. Alléluia. Je chanterai sans merveilleuse grâce pour moi. Les louerai jusqu'à faire voir sa bonté. Je chanterai le salut chez moi partout, jusqu'à ce que tous entendent la parole. Toi, Dieu, il m'a sorti de la boue. Jésus m'a, il a placé les pieds sur les rocs. Il met un chant dans mon âme. C'est jour un chant de louange. Alléluia. Jésus m'a, il m'a sorti de la boue. Où il a placé mes pieds sur les rocs. Il met un chant dans mon âme. Un jour où un chant de louange, alléluia. Nous chantons notre Rédempteur. Nous allons croire ma aussi qu'on est dans un Dieu parfait. Dambo ya bongibe. Un Dieu fidèle. Dambo ya zalisembo. Qui fait concourir toutes choses à notre bien. Ouais, zali ko sala nyoso pona bola mona biso. Louange à Jésus-Christ. Ma sans oli na Jésus Christ. Au dispens de prière, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce soir pour ce privilège que tu nous accordes de nous approcher de ton trône avec foi, avec joie, avec conviction, dans l'amour de Dieu, amour irrévocable, amour rédempteur. Tu as fait beaucoup pour nos âmes. Depuis que tu es descendu de ta gloire, tu as vécu sur la terre des hommes. Tu es un homme ordinaire. Mais par cela, tu nous prêchais. Ta vie était un message. Oui. Nous sommes bénéficiaires de l'héritage de la vie éternelle. Que ton nom soit béni et adoré. Prends le devant de la scène maintenant et parle à chacun. Édifie-nous dans tes voix pour notre temps. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans la Sainte Bible. Nous lisons dans Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Nous prenons le verset 11. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Ekoki na Elia kuya liboso. Ye alobi na bango ete solo Elia azali kuya liboso pona kobongisa makambo nyonso. Ekomami mpe boni na likambo na mwana na moto. Yete akoyoka mpasi na ntina na makambo mingi mpe akotolama. Acte des apôtres chapitre 3. Bantoma mukapo ya misato. Nous revenons au verset 20-21. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Amen. Mpete atinda Kristo oyo aponameli bino ye Yesu akukiete aumela na likolo kino tango na kukisama na makambo nyoso yango elobaki Nzambe na minoko na basakoli na ye na bule longwa na kalakala. Mose penza alobaki ete nkolo Nzambe na bino non. Romains chapitre 1, le verset 1 à 7. Baloma mukapo eyambo. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair. Déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Amen. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ngawi Paulo mahumu na Yesu Kristo, Nzambe abengi ngai, yete nazara ntoma, abulisi pengai mpona sango malamu na ye. Liboso penza Nzambe apesaki elaka na sango malamu, yango alaki yango na nzela na basakoni na ye, kati na makumi mosanto. Sango malamu yango ezali mpona mwana na ye, Yesu Kristo, nkolo na biso, oyo abotamaki, lokola moto na libota na Daudi. Kasi mpona molimo mosanto, Nzambe amonisaki na nguya yete azali mwana na ye, awa asekwaki ye na kati na bakufi mpona ye tozwingolu mpe etinda na nkombo na ye yete tosisa bato kati na mabota nyonso. Batosa makambo na kondima. Bino mpe bozali kati na bango. Bobyangami na Yesu Kristo. Nazali kokomela bino nyonso bato balingami na Nzambe kati na mboka na loma. Abyangi bino ete bozala bato na sembo. Ngolu ezala na bino mpe kimia wuta na Nzambe Tata na biso mpe nkolo Yesu Kristo. Adjo, bénisse la lecture de sa parole. Nzambe atanga botanga na vaye. Jesus Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur. Nos cœurs aiment Jésus. Nous aimons la Sainte Bible de tout cœur. C'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Nous rendons grâce pour ce privilège qu'il nous donne. Nous allons la terre des vivants de nous rendre service. Nous croire en son nom. D'écouter sa parole. D'invoquer son nom. De témoigner de lui. De son amour et de ses bontés. De sa miséricorde. Tout vient de Dieu. Non, c'est la gloire, l'histoire à Dieu. Et soyez à l'aise dans la maison de Dieu. Nous allons poursuivre notre thème qui était et qui est comment éprouver un ministère de la parole. L'Esprit nous a canalisé vers un exemple typique. À nous focaliser un peu sur l'appel, le ministère de William Branham. Et l'instrument choisi par Dieu pour accomplir des grandes promesses publiques en ce temps de la fin sur la terre des hommes. Les hommes peuvent refuser. Ils peuvent contester. Mais ce n'est pas notre problème. Notre affaire à nous, c'est de savoir que quiconque s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe. Tant que nous savons que Dieu existe, nous savons qu'il est pour nous le Dieu de délivrance. Il a toujours délivré son peuple. Il n'a jamais délaissé ses enfants. Il a promis d'habiter au milieu de et de marcher lui-même au milieu. Nous avons donc le devoir sacré de croire Dieu. Et ce Dieu-là n'a pas commencé de nos jours. Ce Dieu-là a commencé il y a des siècles et des millénaires. Avant nous, des gens ont servi Dieu. Et après nous, quand nous serons passés physiquement, il y a des gens qui serviront Dieu. Chacun a son jour de naissance. Chacun aussi un jour où il va partir. Mais Dieu reste le même. Dieu ne change pas. C'est comme Jérémie a pu interpeller le faux prophète Anania un jour. Jérémie a dit dans Jérémie 28, verset 8. Verset 8-9. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi. C'est pour dire, même si eux deux là pouvaient chacun déclarer être serviteur de Dieu, prophète de Dieu, tout ça, ça n'est pas comme une génération spontanée dans un désert. Avant qu'il s'appelle prophète, il y a eu des prophètes avant. Avant qu'il s'appelle peuple de Dieu, il y a eu un peuple de Dieu avant. Avant que vous vous appeliez chrétien, il y a eu des chrétiens avant vous. Et Dieu a sa façon de faire les choses. Et Dieu ne change pas. Ici, si les prophètes qui ont été avant moi et avant toi, dès les temps anciens, on prophétisait contre des pays puissants. Et des grands royaumes. La guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Il ne suffit pas de nous dire ayez la paix, soyez en paix. Mais il faut que le Dieu au nom duquel vous nous annoncez cette paix, que ce Dieu-là entre dans vos paroles et confirme ce que vous dites. À ce moment-là, nous sommes intéressés. N'êtes-vous pas croyant comme moi? Ne croyez-vous pas là comme moi? Oh, béni soit le Seigneur. Il faut comprendre cette chose-là. Et ici dans Ésaïe 44, verset 25, Dieu dit ceci. J'en ayant dit les signes des prophètes et des mensonges. Nazari ko koisa bilembo ya basakole lukuta. Ils vous donneront des signes. Vous donnera agréablement bonnes oreilles. Et Dieu ne viendra pas confirmer ça. Parce qu'il dit, il se donne la tâche d'anéantir les signes des prophètes et des mensonges. Bilembo na bato. Donc, prenons les signes avec tous les signes, vous explique à voir les propos de l'Église. Dieu s'arrange à tout anéantir. Pour que rien de cela ne se passe. Je proclame insensé les terres. Et je fais reculer les sages. Il suit les sages dans toutes les voies. Là où ils se croient malin, rusé. Là où ils peuvent faire avancer. Dieu s'arrange à les faire réguler. Pour que le progrès qui est progrès, soit le progrès qui vient de lui seul. Il aime la manière de Dieu. Dieu aime être le principal dans nos vies. Il a dit, c'est vrai, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ne croyez jamais devenir un autodidacte. Un candidat éligible en indépendant. Dans la politique pour de ce monde, il y a des indépendants. Mais au plein de Dieu, il n'y a pas des indépendants. Dieu veut des esclaves pour lui. Dieu veut des enfants obéissants à lui. Alors ne suivez pas vos propres voies. Arrangez-vous à ne suivre que la voix de Dieu. Il y a une réussite à espérer. Succès à comptabiliser, une guérison à témoigner, un succès à partager. Rassurez-vous que ça vient de Dieu seul. Car si ce n'est pas le cas, le détruire sera. Toute langue doit le reconnaître. Tout genou doit fléchir devant. Matin, midi, soir, à tout instant, il passe. C'est ce qui doit se faire. Comme l'Ecclésiaste avait dit, écoutez la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce qu'il doit faire tout homme. Ne cherche pas à te dérober. Ne cherche jamais à esquiver. Tu es confronté. Yo, si tu veux suivre le faux prophète, ce qui vient, voilà, tu te confondras dans les rangs. Je fais reculer les sages. Et je tourne leur science en folie. Mais à l'opposé de cela, je confirme la parole de mon serviteur. A-t-il confirmé la parole d'Élie? A-t-il confirmé la parole de Samuel? A-t-il confirmé la parole de Malachi 4:5-6? Ou a-t-il confirmé la promesse de Marc 9 verset 11 et 12? Le même Dieu. Va-t-il confirmer Ephésiens 4 verset 12? Il doit l'accomplir parfaitement, complètement. Le processus est en cours. Quelque chose de grand est déjà fait. Et Dieu est en train de faire d'autres choses maintenant. Pour rendre la promesse de Ephésiens 4 à 12 complètement réalisée. L'œuvre du ministère, il y aura une église sainte et glorieuse, sans tache, ni ride, ni ressemblance. C'est là que l'on doit aboutir en ce temps de la fin, avant notre enlèvement. On a demandé plusieurs fois au Père Brenham, comment va-t-il le faire? Malamine, je n'en sais rien. Qui dit amène à la vérité? Dieu va réaliser ça. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Il est si fidèle et si conscient et il le fera. Et si nous pouvons les bénir, comme cela apparaît dans le psaume 103 ici, nous pouvons les bénir à notre temps. Sur la grâce qu'il nous fait sur la terre des hommes. Dans les psaumes 103, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Je pense que chacun de nous concerné par ceci. On peut suivre à la loupe pas à pas les œuvres de Dieu dans ton âge. Tu es privilégié. Mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, verset 2. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Allons au verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse. Amen. Et ses œuvres aux enfants d'Israël. Le Dieu que nous bénissons là, il a un passé avec son peuple. Il a une histoire avec ses enfants. Qu'est-ce qu'il a fait dans le passé? Il a manifesté ses voies. Il est un Dieu qui se cache, mais il est aussi un Dieu qui se révèle. Et il est allé vers une minorité. De ceux qui étaient méprisés, abandonnés. De ceux qui étaient opprimés. Il a manifesté ses voies. Moïse est l'un d'eux. Abraham fut l'un d'eux. Samuel était l'un d'eux. Élie était l'un d'eux. Jean-Baptiste l'un d'eux. Anne fille de Phanuel l'un d'eux. Siméon d'autres fois. Siméon était l'un d'eux. Saul de Tarse. Simon Pierre, Jean, Johanna, l'un d'eux. Vous aimez tout ça? Il a manifesté ses voix. À Moïse d'abord. Et ses œuvres aux enfants d'Israël. Et dans notre génération, nous pouvons témoigner et reconnaître que le même Dieu a manifesté ses voix à nous. Il nous a révélé ses voix. Nous ne sommes pas dans les voix des hommes. Car les voix religieuses des hommes aujourd'hui, ce sont les dénominations, les groupes de prières, les cerveaux intellectuels. Mais Dieu t'a révélé. Servir Dieu sur cette terre. Et lorsque les serviteurs de Dieu qui sont envoyés par une inspiration divine interprètent pour vous la parole de Dieu. Plusieurs dans le milieu du message transforment le pluriel de cette déclaration en un singulier. C'est-à-dire, il s'arrête après Branham seul. Et il prêche William Branham. Pour lui finalement leur Dieu, leur idole. La déclaration de Dieu. Quand il nous révèle ses voix dans ses temps. Il ne dit pas que vous ne pouvez servir Dieu sur cette terre. Lorsqu'un seul serviteur de Dieu. Il est envoyé par inspiration. Interprète pour la parole de Dieu. Mais ce sont des serviteurs pluriels. Personne n'a le droit de changer ça. Quand l'esprit parle au pluriel, il va y avoir plusieurs serviteurs qui vont apporter la même parole. Ils auront la même doctrine, la même vision, le même enseignement de la parole. Pour ramener l'église à l'unité de la foi. Ce n'est pas dans des divergences multiples. Ils doivent parvenir à l'unité de la foi. Ephésiens 4:11 a dit que Dieu a donné les saints pluriels comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs. Partout là, c'est un pluriel. Malgré le grand nombre qui sont, mais Dieu agira par eux pour amener son peuple à l'unité de la foi. Mais je veux dire que ce ne sont pas des gens qui apporteront des doctrines opposées. Quand Dieu envoie ses hommes, ils apporteront la même parole. Pierre et Jean, ainsi que Paul, bien qu'ils vivaient dans des endroits différents, n'ont pas prêché des doctrines contradictoires. Chacun avait sa culture familiale, mais le même évangile prêché était le même. Que Dieu nous manifeste aussi ses voix. Que Dieu te manifeste ses voix. Que tu comprennes que Dieu n'est pas un débrouillard. Il a un plan. Et d'après ce plan, c'est lui qui établit des services. Ils ne seront pas dans les contradictions. Parce que leur mission est d'amener l'église à l'unité de la foi. Et qu'ils doivent prêcher la même parole. La même vérité. Telle est la voix de Dieu. Il a manifesté ses voix à Moïse. Et il a manifesté ses œuvres aux enfants d'Israël. Laisse que le même Dieu fasse le même pour nous. Alors, nous venons de lire trois passages bibliques. Nous avons lu dans Marc au chapitre 9. Et on a pris le verset 11. Mais je peux vous conduire là, revenons là-bas. Le verset 11 jusqu'à 13. Marc chapitre 9. C'est le Seigneur lui-même qui parle. Le verset 11 à 13. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Verset 15. Mais je vous dis qu'Élie est venu. Et qu'ils l'ont traité comme ils les ont voulu. Selon qu'il est écrit de lui. Donc ce qui s'est accompli dans cet Élie là qui est venu, c'est ce qui était écrit à son sujet. Non pas une improvisation, mais c'était une confirmation des Écritures, des prédictions données par les saints prophètes. Vous comprenez que Dieu n'est pas un débrouillard. Tout ce qui arrive aux enfants de Dieu, à ses serviteurs, c'est ce qui est déjà prévu. Qui dit Amen. Que ce soit au sujet de Jésus-Christ lui-même. Que ce soit au sujet de chacun de ses prophètes. Il n'y a pas de hasard. Ici dans Luc au chapitre 18. Nous trouvons un exemple encore. Au verset 31. Jésus prit les 12 auprès de lui. Et leur dit. Voici, nous montons à Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit par le prophète au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Il n'y avait pas à improviser. Il n'y avait pas à se débrouiller. Dieu avait tout écrit d'avance. Et ça marché. Chaque chose devait prendre place au bon endroit en ce lieu. Est-ce que vous aimez ce Dieu-là? Un Dieu fidèle. Regardez sa manière de faire. Ésaïe 25. Oh, comme c'est parfait. Le verset 1. Oh Éternel, Yahweh, tu es mon Dieu. Yo, Zambé Nangai. A-t-il ton Dieu aussi à toi? Azali Zambé Nayo. A-t-il te manifesté ses œuvres? Te manifester ses voix? Te faire comprendre ce qu'il fait en ce temps? Oh, ça irait d'être l'un de nous. Parce que Anne a fait son temps, Paul a fait son temps. Maintenant, c'est notre temps. Avec le même Dieu de la Bible. Oh Éternel, tu es mon Dieu. Pour moi aussi, il est mon Dieu. Rocher de mon salut. Porte ma éternel de ma foi. La vérité éternelle. Je t'exalterai. Je célébrerai ton nom. Car tu as fait des choses merveilleuses. Suivez bien. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Quel privilège que d'identifier ça. Que tu n'es pas comme tout le monde. Tu es pris par les événements. Toi Dieu manifeste ses voix. À toi Dieu te fait comprendre le pourquoi. Il te donne les raisons dans les Écritures. N'êtes-vous pas heureux? Le Seigneur là, il est mon Dieu. Je dois le louer. Exalter son nom. Toi aussi tu feras de même. Parce qu'il est ton Dieu. En ce temps-ci, le Dieu des promesses qui se réalisent. Le Dieu des promesses qui s'accomplissent. Le Dieu qui fait de nous témoins vivants. L'œuvre de ses mains. Béni soit son nom. Exalté soit son nom. Oh, c'est comme ça que tu avais quelqu'un qui jalousie. C'est pour lui, il dit. Dieu de Moïse. Alléluia. Béni soit ton nom. Seigneur, ô Dieu de Paul, alléluia, béni soit ton nom. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom. Seigneur, ô Dieu de Pierre. Alléluia. Béni soit ton nom. Seigneur, Dieu de Jean-Baptiste, alléluia, béni soit ton nom, amen, alléluia, oh, alléluia, alléluia, béni soit ton nom, oh, amen, alléluia, oh, alléluia, alléluia, béni soit ton nom. Je l'exalterai. Je célébrerai son nom. L'âme bénit l'éternel. Tout ce qui est à moi béni son saint. Les desseins de Dieu. Les projets de Dieu. Les programmes de Dieu. Ne connaissent aucun détournement. Car auprès de Dieu, il n'y a aucun détournement. Il peut dire béni soit Dieu. Vous voyez le parc agro-industriel de Bukangalo. Nous allons aboutir à l'autosuffisance alimentaire. Et aujourd'hui nous en sommes où? Ça devient plus que des débats. On ne va pas juger, on ne va pas juger. Et les polémiques des histoires. Ah, programme de développement des Dieux. Baisse ta caractère de territoire. Il est pour les gens. Il est chez nous. Il est pour les choses. On le dit après. On fait des cérémonies pour les gens. Et puis après. Il y a même un pasteur qui est allé prier sur une pierre, la première pierre qui était posée. Pour la construction de la pierre. Bon abotongi à nos profonds la banane. Venir la pierre et faire la prière. Mais pourquoi avoir mobilisé de l'argent et faire tout ça? Je vous dis qu'auprès de notre Dieu, il n'y a pas de détournement. Je vous assure. Notre Dieu est un fait dévorant. Satan démon, Bakomekate. Ce que Dieu veut, c'est ce qui se fera. Ce qu'il veut dans ta vie. C'est ce qui t'arrivera. Il n'y a personne capable de détourner ce que Dieu veut faire. Il est l'auteur des promesses qui se réalisent. Il est l'auteur des promesses qui se réalisent. Il est l'auteur de promesses qui se réalisent. Ah, notre Dieu est merveilleux. Et le projet qu'il a conçu d'avance, ce sont ces choses-là qui s'accomplissent. Quand Élie est venu la première fois, comme on l'a vu dans Marc 9, Jésus a dit selon ce qui est écrit de lui. Et quand il a dit qu'Élie est venu, vous avez compris qu'il s'agit de qui? À ces temps-là, vous comprenez de qui il s'agit. Dans Marc au chapitre 1er, nous trouvons ceci. Verset 1 à 4. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Isaïe le prophète. Ce n'est pas selon les imaginations de tel archevêque. Vous avez Bishop Ethel a dit. Ton bishop moko a likolo alobaki boy. Il est le visionnaire de notre église. Yende momo na kamo ekeleza na biso. Pamba. Notre visionnaire c'est Dieu lui-même. Momo na biso pelinde nzambe. Et sa vision est écrite dans la Bible. Momo na biso ezalaka na Bible. Repentez-vous, croyez la parole. Momo na parole lima di. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit. Ce n'est pas dans l'improvisation. Pour vous laisser qui dit va. Mais c'est selon les écritures claires. Ça, Esaïe le prophète. C'était dit quoi? Le moment qui nous... Voici, j'envoie devant toi mon messager. L'écriture annonce l'envoi d'un messager. Est-ce que vous aimez cette parole? Donc ce n'est pas arrivé au hasard. Mais c'était écrit. Voici, j'envoie mon messager. Dieu envoyant un messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Prépare le chemin du Seigneur. Bongisa aplanisse ce sentier. Qui dit amen. Voici, j'envoie mon messager devant toi. C'est-à-dire, toi, tu seras témoin. Lui sera ton guide. Il sera un conducteur dans ta marche. Tu ne suivras pas n'importe qui. Mais tu auras devant toi mon messager en moi. Qui parle? Le Dieu qui ne ment point. Cela pouvait-il faillir? Non, jamais. Est-ce que l'histoire se répète? Pouvons-nous identifier Dieu dans ses voies? Instruisant de la même manière, non plus au temps de Jean-Baptiste, mais à notre temps aussi. Peut-il envoyer un messager devant toi? Tu le verras et il te conduira. Et quand il sera en train de te conduire, tu te souviendras que ce n'est pas par hasard. C'est la promesse de Christ. L'auteur des promesses qui se réalise. Verset 4. Pour l'accomplissement de ce que nous venons de lire. De ce que Marc vient de rappeler. Verset 4. Jean parut. Baptisant dans le désert. Et prêchant le baptême de repentance. Le pardon de péché. Pourquoi Jean a-t-il paru? Est-ce pour se faire voir? Ou pour vanter sa famille? Ou donner une réputation en Israël à sa famille? Pour parler au moins de sa famille? Il est là. Il est venu simplement faire ce que l'Esprit le conduisait à faire. Or, en faisant ce que l'Esprit le conduisait à faire, les promesses écrites de Dieu se réalisaient. Et une minorité de gens dont on ne faisait pas cas, identifiaient les événements dans leur contexte biblique. Ils se séparaient de leur voix, de leur époque, pour suivre la voix de Dieu qui leur avait été manifestée. Il en est de même maintenant. Chers amis, Dieu ne change pas. L'histoire se répète toujours. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui est, a déjà été. Dieu ramène le passé. Ecclésiaste 3, verset 15. N'oubliez pas ça. Ce qui est, a déjà été. Et ce qui est, c'est ce qui sera. Non. Et ce qui est, a déjà été. Et Dieu ramène le passé. Vous devez faire attention. Quand Dieu commence, ramenez le passé. Jean parut. Ce n'est pas pour se faire voir. Mais c'est Dieu qui l'a manifesté. C'est Dieu qui l'a fait sortir. C'est Dieu qui l'a fait paraître. C'est Dieu qui l'a sorti aux yeux du peuple. C'est Dieu qui l'a fait voir. À ceux qui pouvaient voir. Écoutez. Jean parut. Baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Versets 5 et 6. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture autour de l'un, ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Sur sa table, il n'y avait pas de prêt à manger. Les prêts à manger. Jean n'avait pas la culture de supermarché. Ça vous aide, hein? Il aimait la nature. Et c'est l'esprit de lui qui était en lui. Vous aussi? Vous aimez rester proche de la nature? Et rester naturel? Soyez sincères. Et aimez-vous ça? Mais c'est ça l'esprit d'Élie. Ce n'est pas seulement aller faire beaucoup de défilés dans les supermarchés pour être considéré comme un homme moderne, comme une femme civilisée. Vous voulez vous identifier à quoi? À l'esprit de Dieu ou à la civilisation? Revenez à la nature. Il mangeait les miels sauvages. Même pas traité là-bas, qu'on a amené au supermarché. Quand vous faites la route de Bas-Congo, vous avez un bidon, arrêtez vous acheter ça. Je vous souhaite à votre goût. Hein? Les vrais croyants, les frères du message, c'est comme ça. Bonhomme, il partait toujours dans la brousse. Il partait à la pêche. Dans les épreuves de sa vie, vous trouvez les épreuves du zèbre, des grizzlies, des écureuils. Et c'est ça que Dieu lui donnait. Un homme de bois. L'esprit des liens. Amen. Mais comment les gens sont devenus trop civilisés dans le message? C'est que l'esprit qu'ils ont eu. Votre propre prophète. Il était en salopette. Un jour il est venu là en pantalon digne. Avec un chapeau de vieil homme. Et vous voulez que j'aie honte de ma calvitie? Restons naturels, frère. Ceux qui sont en train de se faire, ils ont ce qui connaît quoi, dans ma nous a bon bel amen. Dans le corps théophanique, il y a tout là. Mon corps théophanique, je vis, n'avait pas de calvitie. Je vous dis vrai. Mais il il avait ma chevelure de jeunesse. Quand j'étais un peu plus jeune, là, vers j'étais un beau gars. Comme le visage d'une fille. Bon, maintenant on a vieilli, on a des choses là. Je ne serai jamais complexé. Je suis ce que je suis. Ce que vous avez oh, mande pour vous, je suis là, je suis là. Mais ça, je suis là. Eh, voyez ça. Vous avez détourné, tant que frère David a été, ah, vous voyez, vous voyez. Il n'y a pas aucun salon. Jean-Baptiste est allé au salon combien de fois? Jean-Baptiste a quitté le salon. Tous à l'équilibré. Amen. Disons-nous la vérité. Oui. Vous ne voulez pas revenir à l'ancienne mode. Oh, on s'est salé, pirate. Oui, oui. Mais c'est comme ça les choses naturelles. Hein. Elles sont parfois. Je ne dis pas que je ne vais pas raser, je vais raser bientôt. Êtes-vous là? Ah oui. Jean. Jean. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Pas de supermarché. Il prêchait disant que c'est fait. Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Et de ses souliers. Verset 8. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Comment savait-il ce qu'il y a et ce qu'il y aura après ça? Parce que le Dieu de Moïse lui avait manifesté aussi ses voies. Dieu lui a révélé ses desseins. Il lui a révélé ses programmes. Alors Jean-Baptiste savait ce qu'il y a. Et ce qu'il y aura après. Parce que c'était selon ce qui est écrit. Nous aussi, nous savons ce qu'il y a eu. Autant de frères Branham. Nous savons ce qu'il y a maintenant. Et nous savons ce qui vient après. Pourquoi ça? Dieu nous a manifesté ce chose. Nous sommes comme les enfants d'Israël. Le Dieu bon et miséricordieux. Que son nom soit béni. Alléluia. Être connecté à son programme. Non pas suivre aveuglément les églises. Oh, je suis missionné 100%. Voilà toute l'espérance que toi tu as. Cette église a fait de toi un membre fidèle. Et pour attendre la mort. Mais Christ a dit à ses disciples. Celui qui vit et croit à moi. Ne mourra jamais. Oui, il est pour nous la résurrection et la vie. Amen. Religion amen. Amen. Nalingi religion ya vie. Amen. Et comme maintenant la vie éternelle. Amen. Parce que le voleur ne vient que pour détruire. Pour égorger, mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu pour que ses brebis aient la vie. Aïe, pour la montagne, et que les fesses se vivent en abondance. Je refuse d'être croyant de Branham jusqu'à la mort. Naboy, qu'on s'en a Branham, qui est là? Naboy! Oh, catholique 100%. Catholique, mais comment il y a un ça, qui est là? Naboy! Mais je veux être chrétien. La ligne de la mort, Christ! Vrai croyant défendu. Jusque dans la vie éternelle. Comme le Seigneur a dit à la femme samaritaine. L'eau que je lui donnerai. Le cola deviendra en lui. Et une source d'eau vive. Il jaillira. Il jaillira. Jusque dans la vie éternelle. Moi j'aime ça frère. Donne-moi le secours Seigneur. Le Seigneur te donne cette orée. Et quand on chante, écoutez la bonne nouvelle. Ce n'est pas Dieu nous prépare à la mort. Dieu nous prépare à la mort. Nous allons avoir des obsèques dignes. Je m'en fous. Vous pensez que si aujourd'hui, tout le monde me rejetait, au point que je puisse mourir comme un clochard quelque part, abandonné de tous, vous pensez que pour ça Dieu va détruire ma théophanie? Il m'accueillera dans son royaume. Les comportements contredisants des hommes ne disent rien pour Dieu. C'est qu'il a prévu de faire. Dieu vous dit que c'est ce qui se produira. Il n'y a rien qui va détruire. Il a tout pouvoir. Il a tout pouvoir. Et sois fier de lui. Que ton âme bénisse son nom. Que ta bouche célèbre ce jour. Oh non, qu'on a eu sans la commande. Combien t'as fait ma bakouti? Je l'ensemble à ta plané. Alléluia. Il est ta source d'édification. Azalini, il ne sera jamais ta pierre d'achoppement. Son église, son peuple, et que les gens son message, ne sera jamais pour toi une perdition. Dieu t'a prédestiné à être croyant d'un message, un message qui édifie, qui fait croire et qui perfectionne la foi. Dieu t'a prédestiné à ça. C'est ce qu'il y a maintenant. Il est en train de le réaliser. Dieu merveilleux. N'est-ce pas vrai? Bon, voilà comment il a utilisé Jean-Baptiste. Et maintenant, quand Jean-Baptiste devait partir, Jésus est venu rendre témoignage de lui. Le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 11. Comme tout se complète. Lui, Jean a témoigné de celui qui viendrait après lui. Mais Jésus est venu aussi témoigner de celui qui est venu avant lui. Oh, c'est merveilleux. Matthieu 11. Matthieu, le verset 9. Non, non, verset 8. Mulongo Elibua. À 11. Qui non a zomi na moko. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons des rois. Kasi, mokei komonanini. Moto alati bilamba ya petepete. Tala, bayo balati bilamba ya petepete, bazali nandako na mokonzi. Lui était naturel. Amen. Ne viens pas à l'église pour montrer tes habits. Amen. Nous pourrons attirer l'attention sur ça. Amen. Que mon âme soit nourrie. Que mon âme soit remplie de la vie. Qu'elle soit régénérée. Qu'elle soit remplie du Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu s'accueille. Ceux qui sont qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'est-ce qu'il faut donc aller voir? Un prophète. Tu veux bien? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit. C'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face. Lui, Jean-Baptiste. Azalie Oyo, et Komami Mponaye Ete. Lingala dit quoi? Na kotinda nani? Verset 10. Verset 10, monsieur. Azalie Oyo, et Komami Mpona Ye Ete, Tala, na kotinda ntoma na ngai, ni boso na ilongi na yo. Na kotinda nani? Ntoma na yo. Ntoma na ngai. Ntoma. Na kotinda ntoma na ngai. Messager, mon messager. Mais j'envoie. Mon messager devant ta face. Cette écriture-là est écrite de lui, Jean-Baptiste. La Bible dit que c'est celui dont il est écrit. Donc quand tu vas la lire, sache qu'elle parlait de Jean-Baptiste. Qui est-il? Un homme envoyé, c'est Dieu. Un messager envoyé. Pour faire quoi? Pour préparer ton chemin devant toi. Et le Seigneur ajoute, je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il en a point parlé de plus grand que Jean, Jean-Baptiste. Amen. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. D'après ce passage, Jean-Baptiste était un prophète. Et même plus qu'un prophète. Êtes-vous d'accord avec la Bible? Jean-Baptiste était le messager que Dieu envoie devant ta face. Et Lingala facile, on a dit Ntoma. Un apôtre. Ntoma. Il n'a fait aucun miracle. Mais il était cet envoyé de Dieu. Il était son messager. Croyez-vous au Dieu de Jean-Baptiste? Et le Dieu de Jean-Baptiste a dit qu'il répète l'histoire. Il ramène ce qui est passé. N'est-ce pas vrai? Allons pour passer aux missions de Oulianbana. Après ce petit décor, nous allons droit là-bas. L'appel, vous avez ceci, non? Mela, à l'âge de 7 ans. Il est évoqué seulement l'œuvre à accomplir. Et nous avons creusé pour mettre un peu de l'engrais autour de ça. Il y a plein de scriptures qui sont allées avec. Et qui est l'auteur de tout ça? Il est Dieu, auteur de promesses qui se réalisent. Propriétaire de son destin, de son âme. Maintenant, le même Dieu, quand William Branham avançait, Dieu lui a donné une commission. Mais, en résumé, il n'y avait pas qu'une seule commission. Branham a eu, au cours de sa vie, trois commissions. L'appel est à l'âge de 7 ans. Mais là, et ça, c'est qu'on a mis bout à moi. Il était déjà mis à part. Et moi, et ça m'a qu'il veut. Le travail et service est accompli. Mais il y a eu ensuite les commissions. Et nous pouvons mettre ça ici. La première commission, c'est le 11 juin. 1933. Première commission. Grande importance. La deuxième commission, c'est celle du 6 mai 1946. Une deuxième commission, Après la première commission ici, l'homme a connu une vie trouble. Il s'était découragé et il ne voulait plus servir. Il y a une sorte d'état mort. Mais Dieu est venu relancer son serviteur. Avec une autre commission qui n'annulait pas la première. Non. Et qui s'ajoutait à la première. Parce que Dieu ne dépend pas de ses dons ni de ses appels. Alors la troisième commission, la date, je dois encore chercher. La troisième commission, ici il y avait l'ange. Hein. Là-bas il y avait la colonne de feu. La rivière Ohio. On a il y a eu cette dans la pièce. Et la troisième commission, c'était pour emmagasiner la nourriture. Et si l'animation est acquis pour n'accompagner. Nous allons voir tout ça. Vous voyez. Dans la première commission, et Dieu l'a comparé à Jean-Baptiste. Dans la deuxième commission, Dieu l'a comparé au prophète Moïse. Dans la troisième commission, il ne l'a comparé à personne. Qu'est-ce que ça, c'est quelque chose de particulier. Comprenez l'importance de ça. Il n'y avait pas eu quelqu'un avant ça qui a fait ça. Ou qui a fait un travail similaire. Branham est le premier dans le plan. À qui Dieu ordonne d'emmagasiner la nourriture spirituelle. En accord avec les projets de la grande famine qui doit frapper toute la terre. Nous vivons en un temps particulier. Si vous êtes sincère, rien que le dossier de ces trois commissions, vous ne pouvez pas minimiser l'œuvre de Dieu en ce temps. Les particularités bibliques qui vont avec. Et vous comprenez pourquoi nous ne sommes pas les fanatiques d'un bout de ce programme. Nous sommes les croyants bibliques. Nous le programme de Dieu à la loupe. Et si vous êtes sincère avec le Dieu de la Bible, vous ne pouvez pas croire ce message. Il n'y a aucune raison et vous n'avez aucun droit de refuser de croire. Vous devez croire comme il en était au temps de Jean-Baptiste. Ici dans Marc au chapitre 1er, la même chose doit revenir. Nous devons nous exhorter. Nous devons nous Marc 1, verset 14-15. Après que Jean y était livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Nasima na kokangama na Yohane, Yesu akomaki na Galilea kosakolaka sangomalamu na Nzambe. Il disait, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alobi eti. Et la cas est fini, Kokoka. Mpe, Bokonzi Nanzambe, et Belemi. Bobongo la mitema. Mpe, Bondima, Sangobalam. Croyons-nous que le temps est accompli? Le temps est accompli. Le temps est accompli pourquoi? Pour l'accomplissement des Écritures. Le temps prévu par Dieu pour que certaines promesses bibliques se réalisent. Et quand vous verrez ça, le temps arrivé, répentez-vous de votre cœur et croyez à la bonne nouvelle. Non pas n'importe quelle bonne nouvelle, la bonne nouvelle qui a été promise. L'évangile qui a été promis auparavant dans les Écritures. C'est pas le genre d'évangile que l'apôtre Paul s'est prêché. Ce n'est pas l'évangile théologique enseigné dans les des séminaires comme chez Gamaliel, étudiant. Il a dit que l'évangile que moi je prêche, je n'ai ni reçu ni appris. Mais c'était par une révélation. Ce sont les gens d'évangile que nous avons. La parole révélée, mais qui vient se concorder avec les promesses bibliques. Que Dieu réalise sous vos yeux dans votre génération, dans votre temps. Lisons Romains 1. Que nous avons lu aujourd'hui. Romains chapitre 1er. Nous l'avons dit ici pour introduire la prédication. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. William Branham était-il aussi mis à part? William Branham a sacrifié par son appel depuis l'âge de 7 ans. Jean-Baptiste était-il mis à part? Dès le ventre de sa mère, il devait être rempli de Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et c'est là qu'il y a de 9 ans au désert. Les animaux sauvages là-bas. Il n'était pas un homme de culture moderne. Et Paul, Saul de Tarse, quand il a reçu aussi sa commission, il n'est pas allé dans la ville. S'enfermer dans un amphithéâtre. Même pas dans un funérarium. Il est allé mortuaire, non? Il est allé au désert d'Arabie pendant 3 ans. En plus! Et même vous retirez de facilement. Éloignez-vous un peu de toutes les civilisations, de toutes les sujets. Je me demande que j'aime rester dans la nature parce que c'est là qu'on se sent plus près de Dieu. Je m'arrête toujours dans les bois. Et là, Dieu est si proche. Oh, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Quel évangile? Après au séminaire, que le docteur Gamaliel lui avait enseigné, où ça il a trouvé que c'est de la boue. De la boue, une fierté. Mais la parole révélée est excellente, délicieuse. Comme il est écrit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Là, dans le psaume 119, le verset 50. Aimez les paroles fraîchement révélées de Dieu. Quand Dieu peut vous parler fraîchement. Il est vivant encore. Il vous connaît, il vous considère. Mais Paul ne prêchait pas l'évangile transmis par la théologie. Paul a fait un kiss à mon moto. Appris dans les séminaires. Mais il dit non. Évangile qui avait été promis auparavant. De la part de Dieu. Par ses prophètes dans les saintes écritures. Et cet évangile-là dont lui était appelé à être apôtre. Vous voyez que ça, il veut que c'est distingué. Il montre par ici que Dieu lui avait manifesté ses voix. Le même Dieu de Moïse. Le Dieu d'Élie a manifesté à Saul de Tarse. Le même Dieu est si bon envers ton âme. Il a révélé ces grandes choses en ce temps. Pendant que les gens courent derrière la prospérité financière. Et le voyage. Et Dieu, les promesses bibliques. Des choses écrites à l'avance. Ils s'accomplissent. Le Père de vos témoins est serviteur de Dieu. Que ton nom soit béni. Évangile qui avait été promis auparavant. De la part de Dieu. Par ses prophètes dans les saints secrets. Il concerne son fils. Mais de la postérité de David. Déclaré fils avec puissance. Selon l'esprit de ses épées. Par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui. Nous avons reçu la grâce. Et aussi quoi? Nanini. Qui a dit que Jean-Baptiste était Thomas? C'est Dieu. Amen. Qui a dit que Jean-Baptiste était prophète? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Qui a dit que Jean-Baptiste était même plus qu'un prophète? Jésus-Christ. Ok. Par lui, nous avons reçu la grâce. Ce ne sont pas vos mérites. Mais c'est une faveur imméritée. Dieu qui dans son amour pour ta pauvre âme manifester ses voix. De te montrer la commission des prophètes. Selon les Écritures. Que son nom soit béni. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Pour ramener en son nom, en l'obéissance et la foi, tous les païens. Parmi lesquels vous êtes aussi. Vous qui avez été appelé par Jésus-Christ. Pourquoi ce message qui t'a appelé? Brana? A-t-il fait de toi un Branami? Mais c'est Jésus-Christ qui t'a appelé. Jésus-Christ on a bien appelé. Amen. Le même Jésus-Christ avait appelé les gens au temps des portes. Jésus-Christ m'a bien appelé. Le même Jésus-Christ a appelé les gens au temps de Jean-Baptiste. Oui, Jésus-Christ a bien appelé. La Bible dit que tout le pays allait vers lui. Les ministères de l'époque ne voulaient pas se faire. Nous allons là-bas faire. Les hommes sauvages là. D'abord, il n'a jamais appris à l'école comment parler devant les gens. Et nous voulons écouter un tel. Pourquoi? Il y a les simples qui sont allés. Qui les a appelés? Dieu. Dame. Et qui a fait que les autres restent là-bas dans leur orgueil? Dieu. Il pouvait aussi leur faire grâce. Mais il fait grâce aux humbles. Il a résisté aux orgueilleux. Il a laissé confus dans leur confusion. Quand vous ne voulez pas vous abaisser, Dieu ne vous aimera pas. Même les choses que Dieu fait dans ces temps ici. De notre temps, humiliez-vous pour les voir. Amen. Si vous serez enfermé dans votre orgueil, et vous payerez dans votre orgueil. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Que Dieu bénisse les âmes humbles. Que Dieu bénisse les cœurs humbles devant vous. Il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Il les a révélées aux enfants qui apprennent. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui t'appelle. Alors, sois affermi dans les voies des choses. Sois affermi dans les choses des choses. Un jour, le 11 juin, là, 1903, il s'est passé quelque chose. Je vais lire ça dans le témoignage de William Branham. Prédication donnée le 10 février 1960. Paragraphe 8. Et puis, environ deux semaines plus tard, j'ai joué au bill avec mon frère. J'ai des billes. Et quelque chose est venu sur moi. Et j'ai regardé vers la rivière. Et j'ai vu un grand pont enjamber la rivière. Et j'ai vu ces hommes en tomber et mourir. Bon, ça c'est l'accomplissement d'une des visions que Dieu lui avait donnée à l'âge de 4 ans. Quand cela m'a quitté, J'ai couru auprès de ma mère. Et je lui ai dit. Oh, a-t-elle dit. Chérie, oh, tu rêvais. Oh, mais je ne rêvais pas. Mais elle en a pris bonne note. Et 22 ans plus tard, le municipal a enjambé la rivière au même endroit. Et 16 hommes ont perdu la vie dessus. Exactement comme le petit enfant dans sa vision. Dieu peut prévoir des événements et les réaliser. Cela arrivait toujours tout le temps. Comme cela. Plus tard, je me suis converti. Tout ce qu'il y avait, tout ce que le Saint-Esprit a fait, constituerait beaucoup de livres. S'il faut écrire tout ce que le Saint-Esprit a fait dans la vie de ce seul homme ici ou là, ça constituerait beaucoup de livres. Je vais donc devoir en toucher juste quelques points maintenant, afin que vous compreniez. Ensuite, quand je me suis converti, j'ai adhéré à l'église baptiste. J'ai directement commencé à prêcher l'évangile. Le Seigneur a beaucoup béni. Et j'ai tenu mon premier réveil. Un réveil de 3 semaines. 500 personnes sont venues au Seigneur. Je les ai amenés à la rivière pour les baptiser. Et pendant qu'environ 10 000 personnes se tenaient sur la rive, observant, le temps était très sec. Il n'avait pas plu depuis 2 ou 3 semaines. Et les gens priaient pour qu'il pleuve. Et pendant que j'ai baptisé la 17e personne qui s'était convertie, j'ai entendu une voix dire, lève les yeux. Cela m'a effrayé. Je n'étais qu'un jeune garçon. La fille que j'ai épousée plus tard prenait des photos sur la rive. La sœur opérait la jeune fille là. Bon. Mais c'était un réveil de 2 semaines. 500 personnes venaient au Seigneur. 10 000 personnes témoignent. Quelle attraction sur la rivière. Alors, pendant qu'il baptisait la 17e personne, j'ai entendu, il a une bonne voix dire, lève les yeux. Et cela m'a effrayé. Je n'étais qu'un jeune garçon. Et la fille que j'ai épousée plus tard prenait des photos sur la rivière. Et j'ai encore entendu cela dire, lève les yeux. Et j'ai eu peur de lever les yeux. Tout le monde sur la rive se demandait pourquoi j'hésitais. Et beaucoup de gens sur la rive, des reporters de journaux. Et la voix a alors redit, une troisième fois, lève les yeux. Et j'ai levé les yeux. Et comme j'ai levé les yeux, voici venir cette lumière. Descendez. La colonne de feu. La même colonne de feu qui avait vécu au temps de Moïse. La moto moko moko rencontré sur le temps sur le chemin. La même lumière. Descendant. Les gens ont commencé à s'évanouir. C'est pas un rêve qu'on raconte ici. Les gens commencent à s'évanouir. À tomber. Et une voix a retenti. Ébranla tous les alentours de l'endroit. Et deux ans. De même que Jean-Baptiste fut envoyé. Pour être le précurseur de la première venue de Christ. Le message qui t'a été confié. sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Et que Salam bongi si ya boye ya mibale Jésus Christ. Commentaire. Maman l'école. Non pas que je serai un précurseur. Amen. Peyete na ko Salam bongi si ya boye. Mais que le message était le précurseur. Parce qu'il s'ennonde la qui bongi si na boye. Je ne connais pas plus que quiconque d'autre. Mais c'est de Christ que nous parlons. Et ensuite ces visions ont commencé à m'apparaître plus que jamais auparavant. Après cette commission ici. Les visions qu'il avait depuis le bas âge. Amplifié alors. Et pour qui? Trop de visions et de visions et de visions. Mais qu'est-ce que la voix a dit? De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur. De la première venue de Christ. Et lui Jean-Baptiste. Nous pouvons le relire dans Matthieu 11. Matthieu chapitre 11, où nous avons lu un extrait. Nous avions lu le verset 8 à 11. Et nous pouvons lire le verset 14 et 15. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que c'est lui qui a des oreilles pour entendre, entende. Sans qu'on peut, on l'ingi, koyambayango, oyo azali Elia, ye oyo azalaki koya. Le Seigneur a identifié Jean-Baptiste comme étant le messager que Dieu a envoyé devant sa face, comme étant un prophète et même plus qu'un prophète. Finalement, il dit, c'est Élie qui devait venir. Est-ce que c'est clair? Maintenant, le même Dieu qui avait envoyé Élie vient dans une lumière éclatante. En plein jour, le 11 novembre 1900, dans un service de baptême. Un peu comme nous en avons l'habitude d'aller à la rivière. Et puis un événement. Lève les yeux. Tombe la messe. La perse, pardon. Ça répète, lève les yeux. Tombe la messe. On est en train de baptiser, maintenant on commence à hésiter. Les gens sur la rive se demandent, c'est quoi? Lève les yeux. Tombe la messe. Lève les yeux. C'est cette lumière. En train de descendre. Et de là, une voix est sortie. De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ. Le message qui t'a été confié. Dieu dit le message qui t'a été confié. Alors qu'en réalité, l'enfant n'a jamais été dans cette école de théologie. Il était un prédicateur baptiste. Mais ce message que Dieu lui dit, l'avoir déjà confié. C'est quel genre de message? Le message qui t'a été confié. Sangoyo et pesamela kiyo. Au moment où il parle. Mais il lui a donné ce message quand? Après sangoana mukolani. Le message qui t'a été confié. Sangoyo et pesamela kiyo. Quand? Mukolani. C'est un message. Prédestiné. Et j'ai dit Samuel, bon, il s'est moqué, vous êtes là. Dieu avait ça dans sa pensée. Il a fait le vase devant lui. Avant qu'il ait un mec, il est bossé dans lui. Et au temps accompli, il lui révèle ça. Père, qu'il était là. Pas son église baptiste. Mais Dieu l'a recueilli. Et lui parle des messages que lui, Dieu, lui a confié. Il ne s'agit pas des choses intellectuelles charnelles. Mais c'est le surnaturel en action. Le même Dieu qui l'avait prédestiné. Il révèle qu'il lui est confié un message. Et c'est le même Dieu qui devait l'instruire. À propos de son message dont il lui a parlé. Message qui lui était déjà confié. Mais qui dit maintenant sur la terre, il n'avait pas encore reçu. Kasi na bomoto boy na mokili boy. Ayambaki angona no. J'aime notre Dieu. La ligne d'âme na disso. Il est le sacrificateur de la foi que nous confessons. Azali nganga monana na konimoto zali koyambola. Il sait comment vous former dans la foi. Aye binenge ni na koye konifada kati ya konima. Il vous parle des choses qui seront comme si elles ont déjà été. Azali koye kusara makamu makoya. Ndetete es. Le même Dieu qui a nous parlé des Aïe. Zambe moko pokwa lo baki na tonga. Pour dire qu'un fils nous est donné. Et bravo rete moi na moko apesa mele. Un enfant nous est né. Alors que l'enfant n'était pas encore né. Sur la terre des hommes. On cherche dans les maternités. Et Dieu dit, il est déjà né. C'est dans sa pensée. C'était un fils prédestiné. Le Dieu de la prédestination. C'est lui qui envoie Abraham. Et le message qu'il confie n'est pas lié à ça. Une improvisation. Mais c'est une prédestination. Il y a-t-il quelqu'un qui saisit? Vous voyez la portée du message? Ce n'est pas quelque chose fabriqué par les Branhamis. Dans la pensée de Dieu, c'est un message prédestiné. Et vous pouvez comprendre qu'il est destiné aux élus. Il est destiné aux prédestinés de Dieu. Mais pas n'importe qui saisira son message. Ce n'est pas n'importe qui honorera son message. Mais ce que Dieu a connu d'abord, c'est là il les a aussi prédestinés à être semblable à son fils, afin que son fils qui lui-même est prédestiné ait le premier d'entre beaucoup de frères. Vous voulez nous lire la chaîne Romains 8. Une autre chaîne biblique est ici. Longuement sous la Bible est allée à voir. Romains 8:9. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier né de beaucoup de frères. Il y a des prédestinés rattachés à Jésus-Christ. Je suis heureux d'être l'un d'eux. Quelqu'un d'autre dira la même chose. Il y en a des prédestinés. Il y a des prédestinés pluriels. Parmi eux, mon nom figure. Par la grâce de Dieu. Oh, béni soit son nom à jamais. 1 Pierre chapitre 1. Verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables. Par de l'argent ou de l'or. Que vous avez été racheté la bonne manière de vivre. Que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ. Suivez bien. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20. Christ là et son sang. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. manifesté à la fin des temps à cause de vous. Mais prédestiné avant la fondation du monde. Christ lui-même prédestiné. Il a des gens prédestinés pour lui être semblable. Parmi ceux-là, ton figure. Tu es appelé par le Dieu qui a conçu ce projet-là. Et devant le cœur, il n'y a personne pour le détourner. Et tu es heureux d'être dans les bonnes mains. Les brebis sont dans les mains du Seigneur. Dans les mains du Père, et nul ne peut les rabaisser. Dans la haute sécurité. Jésus-Christ prédestiné. Il a des personnes prédestinées. Ils doivent lui être semblables. Et parmi ces personnes-là, William Marion Branham Azali, qui dans notre génération a été aussi rendu semblable à Christ. Il a reproduit le ministère de Christ. C'était un disciple accompli. Qui a pu reproduire ce que Christ avait fait. La parole de Dieu a raison. Le programme de Dieu ne change jamais. Il est l'auteur des promesses qui se réalisent. Le voyez-vous clairement? Ce qu'il a fait pour William Branham, il peut faire aussi dans ta vie. Que les promesses bibliques s'accomplissent. Que Dieu soit loué. Vous avez une idée. Et nous nous faisons que aborder là. On va y revenir encore. La première commission de William Branham. Dans la déclaration d'aujourd'hui, vous comprenez entre les lignes que le message confié à William Branham, c'est un message prédestiné. Et ce message est précurseur de l'élection de Christ. Non pas l'homme physique William Branham. Mais le message lui-même. De sorte que le départ de Branham dans l'au-delà n'annule pas le destin de Dieu. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Il faut que cette méditation soit créée encore. Pour que chacun de nous saisisse. Pourquoi Dieu a-t-il fait cette distinction? Jean-Baptiste, qui était venu comme Élie, devait assister physiquement à la première venue de Jésus. L'envoyer le messager du temps de la fin. Ce n'est pas la même exigence. C'est ce que dès le départ, il y a cette mise au point d'état. À ne pas négliger. Non pas que c'est Branham le précurseur. Mais c'est le message qui est le précurseur. Le message vous prépare et vous conduira jusqu'à la venue littérale. Ne collez pas la venue de Christ à Branham. Jésus devait venir seulement de son vivant. Il n'est dit nulle part que Jésus devait venir de son vivant. Non. Le message qui est le précurseur. Ça veut dire ce que ça veut dire là. Non pas moi, William Branham. Le message qui m'a été confié. C'est le précurseur de la seconde venue de Christ. C'est ce que je veux dire. Nous aimons le message. Nous aimons ce message. Et c'est merveilleux. C'est un message merveilleux. Dans les sermons, tournez les regards vers Jésus. Du 19 décembre 1963. Et il a eu à dire des choses qui vont dans ce sens-là. Il a parlé du fait que Peut-être il se peut qu'il soit en train de construire une plateforme et que je sois enlevé avant qu'elle ne soit terminée. Ou il se peut que ce ne soit pas moi qui présentera Jésus-Christ au monde. Mais le message le fera. Sommes-nous d'accord avec cette vérité, non? Il faut voir clairement. Et que Dieu nous aide. Et Dieu nous aide dans notre temps à comprendre les voies de Dieu correctement. Oh, j'aimerais retrouver ça ici. Par la grâce de Dieu. Il dit ceci. Paragraphe 51, c'est la voix de Dieu ici. Paragraphe 52. Mais je crois vraiment que nous en sommes si près que je ne mourrai pas de vieillesse. Bien que j'aie 54 ans, je ne mourrai pas de vieillesse avant sa venue. Vous voyez? Oui. À moins que je sois tué d'un coup de fusil. Ou quelque chose de tué d'une façon ou d'une autre. Mais ce n'est pas la vieillesse qui me fera mourir. Il sera venu avant ça. Et c'est ce que je crois. Je vais dire ceci. Je ne l'ai encore jamais dit. Mais selon l'écriture, selon ce qu'il a dit il y a 30 ans, il y a 33 ans, là-bas sur la rivière, en 1933, pour ce qu'il a dit, tout est arrivé exactement tel quel. Ce n'est peut-être pas moi qui le ferai. Mais ce message présentera Jésus-Christ au monde. Car il répète la commission. Comme Jean-Baptiste a été envoyé. Comme précurseur de la première venue. Le message sera le précurseur de la seconde venue. Le message sera le précurseur de la seconde venue. Et Jean a dit, voici l'anneau de Dieu qui est entre. Alors il y a été comparable en tout point. Et je sais qu'il le fera. Que le message continuera à avancer. Nous disons franchement amen. Amen. Remonte un peu. Voilà. Mais je crois vraiment que nous en sommes si près que je ne pourrai pas le dire. J'ai 54 ans. Je ne mourrai pas de vieillesse avant sa venue. Voyez, à moins que je sois tué d'un coup de fusil. Mais ce n'est pas la vieillesse qui me fera mourir. Il sera venu avant ça. Mais selon l'écriture, selon ce qu'il a dit, est arrivé exactement quelqu'un. Ce n'est peut-être pas moi. Il le fera. Jésus-Christ au monde. Bon, j'ai comme l'impression que ce n'est pas la traduction de Suisse. Non, hein. Mais c'est la traduction de Suisse. Voilà. La technique cale encore. Ça y est. Je crois que Dieu nous aidera. Mais cependant, il se peut. Et que ce ne soit pas moi qui présenterai Jésus-Christ au monde. Ici on a dit, ce ne sera peut-être moi qui le, pas moi qui le ferai. La personne est comme vous allez là. D'ailleurs on dit, il se peut que ce ne soit pas moi qui présenterai Jésus-Christ au monde. Mais le message le fera. Vous direz mais comment? Mais c'est vrai. Et solo. le message vit. Sango, il est bon. Il retentira dans les élus. Et la voix viendra d'en haut. Et les élus qui seront élevés l'entendront. Et ils verront Christ revenant. Que Dieu soit béni. Que ton nom figure là-bas. Par la grâce de Dieu. Attache-toi aux voix de Dieu. Il a envoyé un prophète avec une grande commission. Avec un message prédestiné. Et qui est envoyé à des élus prédestinés. Un peuple particulier. Qui doit se distinguer d'entre les autres. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer prochainement avec cette première commission pour que vous voyez aussi dedans quels sont les ministères identifiés. Ça cadre avec d'autres termes. Mettons-nous debout pour la prière. Il y a un pays au-delà des étoiles. Oh, il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. À la cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Oh, cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et les verres des soucis. Je manierai où l'agneau est la lumière. Ici nous sommes éclairés, mais nous savons que c'est le soleil qui lui sur nous maintenant se changera en nuage car nous irons à la cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit, j'ai un bon palais là-haut et les verres des soucis. Je manierai où l'agneau est la lumière. Là les fleurs s'épanouissent au jour et le jour. Sera un jour éternel et point de nuit. Nos larmes seront essuyées à jamais. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un bon palais là-haut et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Ici nous avons toujours des frustrations. Et nos espoirs rencontrent les déceptions. Ici nous pleurons, là-bas sera la joie. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un bon palais là-haut et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Que le soleil se blesse, qu'il y ait la nuit. Mon cœur ténèbre n'a peur d'aucun ombrage, car je sais que là-haut j'ai une maison. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a pas de nuit. J'ai un beau palais là-haut, et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Dans cette cité où l'agneau et la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. On va. J'ai un beau palais là-haut. Et libéré des soucis, je m'adhérerai où l'agneau est la lumière. Prions chacun. Je vous donnerai beaucoup de mon corps. Tout puissant, notre Père Céleste. Nous venons te dire merci. Glorifier ton nom. Bénir ce nom. Célébrer ce nom qui nous fait des merveilles, qui nous fait trop de bien chemin faisant, et nous entretient sur ces merveilles. Tu nourris nos âmes, tu les fais croître, tu les édifies, les amener à l'unité de la foi de l'Église. Que ton nom soit célébré. Tu as entendu chacun prier, Seigneur. Nous prions d'exaucer, de manifester tes voix, de manifester tes œuvres, comme tu l'avais fait autrefois, Seigneur. Nous voulons également vivre de tes voix, ressentir ton amour, ressentir ton assistance, tes visitations. Équipe chacun de nous, Seigneur. C'est tout ce qu'il faut pour être meilleur devant toi. Distingue-nous. Nous ne voulons pas être confondus dans le mouvement religieux qui est à gauche à droite. Mais nous voulons être des signes distinctifs de Dieu. L'ange du Seigneur, la colonne de feu. La parole révélée. Non plus les repas théologiques. Nous voulons la parole révélée. Le message prévu pour nous. Un programme pour nous, Seigneur. Prends soin de nos âmes. Nourris-les toi-même. Au nom de Jésus-Christ. Et pour ta gloire. Nous prions. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse.